get the motherfucker feelin', sir. Feelin', sir. Je sors d'un clair, je veux la gagne. Critère dans le money time. Tiens, jette à l'air ton fan, puisque la victoire is mine. Je m'en bats de la cagnotte ou de péter le champagne. Dans la bataille, je baigne. Pas de seul préviens ceux qui m'accompagnent. J'ai cassé tout de plaine, ne daigne pas être en crise. Règne sur l'iceberg, en vrai craigne la banquise. Avant le combat, je me saigne. Je préfère Jim Jim à la buvette. Je suis parti à la chasse, toi tu vas moisir dans la cuvette. J'ai quitté les clubs de snob ou les joueurs de bab. C'est les mêmes qui béguaient dans le pub. Il me faut les soldats, pas les tailles qui bombent. Martin Fiske qui vole, se fait les meubles. Tu crois que je blague? J'ai les cartes en main, je sais qu'ils se couchent au bout d'un tour de table. Qui pourra qu'on se flatte en écoutant le troupeau de pipelettes. Tout à coup, quand une équipe s'emmêle les pattes, y'a plus une mouche qui pète. Un cheval chale pour avoir un coup de cravache. Remonte à la charge après la bâche. Lâche une victoire, ça s'arrache. La rage de vaincre comme Dinos. Nix, Lars, Fred. Et tous les trois noms d'un pro FP.